Lila, bibliothèque de littérature d'aventure. Merci. Je voudrais commencer par abuser un petit peu de ma situation et demander si monsieur Tilleul ou Jean-Loup Tilleul est dans la salle. Parce que je ne connais pas et je suis prié de lui remettre quelque chose. Il n'est pas là. Bon, très bien. Merci. Je vais donc essayer de vous parler de ce thème aventureux, l'homme léopard, tel qu'il se présente dans quelques œuvres issues du domaine, issues de la production littéraire ou paralittéraire belge, de langue française et concernant, bien sûr, l'Afrique centrale. C'est un domaine, je pense que n'importe qui s'en rend compte, qui n'est guère défriché encore. On vient de me dire que j'étais un spécialiste de la chose. C'est vrai, forcément, mais cette spécialité ne m'avance pas encore très loin, puisque, étant à peu près seul à y travailler, les choses n'avancent pas vite. Donc, il y a encore beaucoup de lacunes qui, peut-être, apparaîtront dans le courant de l'exposé. Ce thème, cependant, de l'homme léopard, est très limité. On peut le voir de manière très très précise dans différentes œuvres, mais en tant que motif littéraire, on peut très nettement le circonscrire. Je l'ai choisi parce qu'il me permettait, comme toujours, d'aborder à travers lui une question très très générale, institutionnelle, politique si l'on veut, qui me semblait dépeindre assez justement la production coloniale. Alors, comment l'aborder ce thème ? J'avais, pour débuter cet exposé, choisi de vous présenter une bande dessinée qui n'est pas dans mon corpus et qui ne présente pas d'homme léopard. C'est une bande dessinée qui vient de paraître et que j'ai découvert la semaine dernière. Il s'agit de Congo 40, et c'est une bande dessinée très belle sur le plan du dessin. Ça a paru chez Casterman, dans la collection à suivre. Congo 40 nous parle du monde colonial, mais d'une manière bien contemporaine, c'est-à-dire d'une manière où il entre beaucoup d'exotiques, justement, avec ce côté rétro du discours contemporain sur l'Afrique. Très peu de jugements politiques, très peu de soucis d'apprécier historiquement, critiquement, politiquement, la situation. Au contraire, tous les textes antérieurs sont, eux, très pressés de formuler des jugements, d'interpréter en termes politiques et narratifs les situations coloniales type, c'est-à-dire la question de la rencontre entre l'Africain et l'Européen. Alors, pour aller vite et parler le plus tôt possible des textes, je proposerai deux catégories tout à fait pratiques. C'est le concept d'exotique d'une part, le concept de colonial d'autre part. L'exotique, c'est quoi ? C'est le regard du voyageur qui va dans l'inconnu, dans l'étranger, dans l'étrange, il découvre des choses qu'il ne comprend pas et qu'il ne tient pas à comprendre. Exemple de regard exotique, celui de Flaubert dans son voyage en Orient. Il passe, je pense que c'est au Caire, il voit dans la rue un singe qui est en train de masturber un âne, la populace alentour. Il trouve le tableau, mon Dieu, très plaisant. Il s'en réjouit fort, mais il prend bien garde de ne pas se poser la question de quoi s'agit-il, pourquoi ces gens font-ils cela? Ça correspond à quel type de valeur? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas son problème. Ça, c'est le regard exotique, très soucieux de mettre en avant des choses incompréhensibles, donc de l'altérité, des choses autres. Au contraire, le colonial se pose une question tout à fait différente. Ce n'est pas un voyageur, c'est un habitant. C'est celui qui s'établit quelque part, qui veut s'y fixer. Et donc, il est très curieux, justement, de savoir ce qui se passe dans le cas d'une rencontre avec quelque chose de bizarre. Il veut en savoir plus, il veut connaître les causes, éventuellement résoudre un problème, s'il y en a. Deux types de regards très différents que nous verrons à propos de l'homme léopard et des quelques textes qui présentent ce motif. Exotique et colonial. Je passe sur des préambules généraux sur la littérature coloniale belge, quitte à y revenir dans le courant des discussions si certaines personnes désirent en savoir plus, pour aborder directement les texte qui présente l'agnoto ou l'homme léopard, agnoto étant le terme bien précis. Pour avancer dans l'exposé et pour avoir un minimum de vocabulaire et de, je dirais, de références critiques, j'aimerais d'abord parler autant que possible de ce qui n'est pas littéraire. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir du point de vue historique, du point de vue ethnographique, de l'agnoto ou de l'homme léopard? À partir de là, on mesurera peut-être l'écart avec les productions qui se donnent officiellement pour littéraire. Cette démarche est dangereuse parce que elle incitera à penser qu'il y a quelque part un réel et puis des divagations littéraires peu importantes, surtout si elles sont en plus paralittéraires. Je pense que c'est exactement le contraire, que ce type de question permet de mesurer des différences, mais l'important n'est pas le réel historique ni ethnographique, l'important c'est le paralittéraire, c'est le discours. Parce que ce qu'il y a eu, mettons, dans les faits que je vais vous raconter, 8 victimes ou 9 victimes, ça n'a aucune importance. Par contre, qu'il y ait eu 10 bouquins sur ces victimes, ça c'est très important dans l'histoire, dans l'imaginaire d'une nation ou d'un projet colonial. Donc en ce sens, je rejoindrai le début de discussion qui me semblait naître hier, en fin de journée. Ce qui est paralittéraire ou littérature marginale, ce n'est pas du tout une littérature du dimanche, c'est à prendre au sérieux, c'est une littérature responsable. Et en ce sens, c'est de la littérature, comme disait Charles Grivel. En ce sens, on peut dire que s'il y avait eu un petit peu moins de Georges Sim et un petit peu plus de Simenon, peut-être que l'imaginaire et donc le réel des rapports politiques interculturels auraient été modifiés. Donc c'est un peu l'ambiguïté ou l'enjeu d'une question relative à la paralittérature. Regard colonial, regard exotique. Commençons par le regard colonial et je vous propose d'en prendre le meilleur exemple, en tout cas le plus connu, dans Tintin au Congo, que je suppose tout le monde a lu. Tintin au Congo, qui présente, à mon sens, une intrigue aventureuse. Pourquoi aventureuse? Parce que, comme dans la plupart des récits relatifs à la colonie, on a bien un voyage, un déplacement dans l'espace avec la scène type du bateau par lequel on arrive en Afrique, avec l'arrivée dans les ports, avec le déplacement à travers le pays, et puis enfin le retour. Entre les deux, évidemment, ils viennent se placer le plus possible d'épisodes, plus ou moins dangereux, et dans Tintin au Congo, Hergé utilise en fait deux types, me semble-t-il, d'épreuves. Une épreuve principale, qui est la longue lutte du héros avec le fameux Gibbon ou Gibbons qui le menace, le délégué d'Al Capone, qui veut sa mort, et d'autre part, toutes les péripéties, les inquiétudes, les dangers qui viennent de l'Afrique elle-même, à commencer par la petite araignée qui effraye Milou à la première page, jusqu'à la charge du troupeau de buffles en dernière page. Ces choses ne sont pas du tout liées, il y a l'intrigue principale, l'enjeu principal, et puis l'intrigue secondaire. Et on voit bien que, dans les deux cas, Hergé allonge la sauce, si je peux dire, en divisant d'une part l'intrigue principale en petits épisodes. La victoire sur Gibbons n'aura pas lieu d'un coup, évidemment. Et d'autre part, en multipliant tous les petits épisodes de péripéties exotiques, disons. Je pense qu'il les fait tous. Il y a le serpent, le buffle, les girafes, le léopard, tout ce qu'il y a moyen d'imaginer, comme on disait hier à propos d'un roman relatif à l'Amérique du Sud, tout ça s'y trouve. Revenons alors à l'agnoto. Au fond, comment est-ce qu'Hergé présente les choses? D'une singulière façon par rapport à ce réel historique que je vais commencer par présenter. De quoi s'agit-il en fait dans la réalité, dans l'histoire telle que nous pouvons la reconstituer? Il semble qu'il y a eu, dans les années 20 et 30, principalement, à partir des régions, donc la province orientale et toute la région de Stanleyville, des phénomènes de sectes secrètes, entre guillemets, qu'on a appelé les hommes léopards en langue française, qui s'appelaient en fait les agnotos. Ces agnotos, en fait, sur le plan des faits, sont relativement mince, peu nombreux, il y a peu de choses, ça tient du fait divers, il y a quelques dizaines de meurtres. Bon. Ce n'est pas grand-chose sur le plan du réel historique. Mais ce qu'on en a fait, c'est évidemment plus important. Ces sectes secrètes, en fait, rien ne vient indiquer qu'elles seraient africaines au sens où rien ne vient indiquer qu'elles remonteraient à la période précoloniale. Donc, il semble plutôt que qu'il s'agit de solidarité, d'association, provoquée par le bouleversement du milieu coutumier. Certains chefs évincés, non médaillés, comme on disait à l'époque, certains notables, aigris pour toutes sortes de raisons, ont profité des circonstances, et notamment de l'affaiblissement du pouvoir coutumier, pour réorganiser des espèces de mafias d'intérêt privé, mafias occultes, et qui correspondent un petit peu à tout ce qu'on peut imaginer dans les bandes de truands. Enfin, il semble que ça ne dépasse pas ce cadre-là. Même si ça se formule avec un langage religieux, dans une série de gestes, de pratiques, qui font penser évidemment à des croyances animistes et à des pratiques proprement africaines. Mais il n'y a certainement pas dans le chef de ces gens, ni de volonté politique. Ce n'est pas un mouvement anti-belge ni anticolonial, a fortiori pas anticolonialiste. Ce n'est pas non plus un mouvement religieux pour adorer quelques divinités secrètes, ce n'est pas une secte du type de celle qu'on peut rencontrer à la fin de l'Antiquité. Ça, c'est le réel. Pour en donner une autre image, un dernier écho, l'écrivain colonial Henri Drum, toujours vivant aujourd'hui, me racontait que, en tant qu'administrateur territorial, donc dans la fin des années 30, il avait dû poursuivre des hommes léopards dans un lieu tout à fait éloigné de la zone historique, je dirais, de cette secte, entre guillemets, dans la zone qui se trouve entre les lacs Tanganyika, Moero, etc., des zones très peu habitées, mais où devaient passer les travailleurs étrangers, les immigrés de l'époque, c'est-à-dire des Kenyans, des Rhodésiens, qui venaient travailler dans les mines en Afrique, en Afrique du Sud, au Katanga, et qui rentraient après un an, deux ans, trois ans, avec leur paye d'un an, deux ans, qui rentraient par ces zones un peu suspectes ou dangereuses, et il s'était formé là des bandes d'agnoto, entre guillemets, qui rançonnaient, tuaient les travailleurs qui rentraient avec leur paye. Donc on est très très loin d'une bande politique, on est très très loin d'une bande religieuse. Ce sont des associations de malfaiteurs, tout simplement, qui utilisaient peut-être certains décors pour terroriser les populations. Maintenant, venons-en à Tintin. Comment est-ce que Tintin explique les choses? Ben, c'est très simple. D'abord, l'agnoto, c'est le féticheur. C'est-à-dire, dans la version coloniale type, c'est quelqu'un qui ne croit pas en ce qu'il fait. Il sait bien que tous ces trucs de sorcellerie, c'est de la fumisterie. Mais, pour des raisons d'intérêt personnel, il se déguise. Donc, le féticheur, c'est celui qui essaye d'abuser de la confiance ou de la naïveté des populations pour prendre du pouvoir et pour, en quelque sorte, abuser des populations. C'est l'image de l'Afrique ancestrale, des préjugés, des croyances que la colonie doit éliminer. C'est l'image d'un contre-pouvoir colonial, effectivement. Deuxième chose que Hergé propose, c'est que cet agnoto, non seulement c'est un féticheur qui ne croit pas en ce qu'il fait, mais en plus, c'est un allié des puissances étrangères. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'initiative de la secte n'est pas africaine, c'est un Américain, délégué d'Al Capone, qui vient se présenter en destinateur, en quelque sorte, pour suggérer au féticheur de se déguiser et de tuer Tintin. Ça me semble tout à fait important. Qu'est-ce qui se passe, bien entendu? C'est que la nature, au bon moment, aide Tintin. Alors, ça c'est intéressant parce qu'au début, la nature, c'était exotique. C'est l'araignée qui effraie Milou. C'est le perroquet qui vient mordre la queue de Milou dans le bateau. Donc la nature se présente comme hostile. Mais Tintin, c'est un héros colonial, il ne s'en laisse pas compter. La nature, ça l'effraie pas. C'est bon pour Milou, ces histoires-là. Lui, il veut dominer la nature, et il sait en faire une alliée. Donc, Au moment ultime, quand l'agneau se dresse dans l'obscurité et brandit ses deux mains armées de griffes pour tuer Tintin, la nature aide le héros et vient, sous la forme d'un serpent, attaquer dans le dos de celui qui attaquait dans le dos, et elle vient délivrer Tintin. Suit une explication entre Tintin et le féticheur, que je ne résiste pas au plaisir de vous lire, mais vous la connaissez. Hein, sapristi, c'est notre sorcier, démarche herméneutique, on a découvert qui est le coupable, on a tiré la cagoule, toi pas tué moi, pitié missier blanc, toi pas tué moi. Et le féticheur continue, pitié missier blanc, pitié, moi y en a voulu tuer toi, moi y en a étranglé toi, mais ce serpent enroulé lit autour de moi, sans toi moi être mort, à présent moi être ton esclave, ô blanc généreux. La conséquence idéologique de l'épisode est on ne peut plus clair. Là-dessus, Tintin ne perd pas son temps à des fadaises, à des ornements emphatiques africains. Lui, et ton complice, où est-il? Alors là, on avance et c'est la suite de l'épisode. Voilà la version que présente Tintin de la chose. En fait, si on regarde l'ensemble des discours sur les sociétés secrètes, on découvre souvent le même mécanisme. Et je citerai un autre exemple qui n'est pas un exemple d'agnotisme. C'est un roman qui s'appelle Kitawala de Léon de Bertry, paru, je crois, en 1953, en Afrique même. La secte là n'est plus la secte des agnotos, mais la secte du Kitawala. Dans ce roman, sans aucune motivation historique, on a le même mécanisme, c'est-à-dire que le responsable de la secte est un blanc, très curieux, mais pas n'importe quel blanc, pas un belge évidemment, c'est un apatride, un cosmopolite, vous voyez ce que je veux dire, il s'appelle Holstein, et c'est dangereux ce genre de choses, enfin, et il est venu là, en Afrique, mais il ne peut pas vraiment faire fortune comme il le voudrait, il est jaloux du prestige des bons belges, et par rancœur symbolique, il organise les noirs pour fomenter une rébellion anticolonial. Alors ça, c'est la leçon de Bertry, mais c'est assez amusant, parce que quand on regarde la version historique des choses, même chez un historien décolonisateur ou anticolonialiste comme Jean-Luc Velut, la fameuse rébellion n'a vraisemblablement été provoquée que par la peur d'être vacciné le lendemain matin. Les Noirs ayant paniqué à l'idée de se faire injecter ce qu'on leur avait expliqué, c'est-à-dire un vaccin, on injecte la maladie, ça les dépassait, et toute la mutinerie, tous les morts qui s'en sont suivis à Luluabourg en 43, semblent n'avoir que cela pour origine. Alors vous imaginez le fantasme de l'écrivain qui doit rationaliser les choses, les expliquer, avec la mainmise de l'étranger, parce que Holstein, évidemment, a des relations familiales ailleurs, et lui-même, il vient de Dieu sait quel pays, c'est un juif errant, bien entendu. Je reviens aux agnotos avec un autre roman tout aussi colonial, c'est André Villers, La griffe du léopard. Alors, je vais vous le raconter, je pense que c'est un peu l'intérêt de la chose. André Villers écrit ce roman, semble-t-il, dans les années 40, c'est un journaliste, donc c'est quelqu'un qui vit de sa plume, et ce roman alimentaire l'alimente bien, puisqu'il lui vaut le prix Rossel en 1951. Je me demande toujours comment on a pu décerner un prix Rossel à ce roman, qui n'est pas mal écrit, mais qui est une enfilade de clichés narratifs et aventureux. Premier cliché, pour raconter l'histoire, c'est de nouveau le personnage du reporter, hein, qui n'est pas du tout un personnage innocent. Hein. Comme chez Tintin, le reporter doit démasquer, il doit enlever la cagoule, il doit trouver l'explication, il doit rassurer. Le reportage et la perspective coloniale sont liés. Alors ce William Gray, parce que tous les héros d'aventure sont des Anglais, bien entendu, même au Congo, ce William Gray arrive en Afrique à la recherche d'un autre reporter qui a disparu mystérieusement et que tout le monde croit disparu. Premier emprunt, évidemment, au récit épique de Stanley retrouvant Livingstone dans la forêt vierge. Le reporter a disparu dans une région insoumise, dans une région infestée d'agnotos et où l'administration territoriale ne pénètre plus. Donc le vaillant héros, lui, va partir à la recherche de cette personne. S'ajoute à ça une histoire d'amour sur laquelle je n'insiste pas, mais qui est importante dans le fonctionnement idéologique de l'ensemble. Qu'est-ce qu'on découvre au fur et à mesure de la progression de la quête, qui est aussi une marche à travers la forêt vierge, et là on retrouve un autre stéréotype du récit colonial, c'est la marche à travers la forêt hostile, hantée par des guerriers féroces, sauvages, qui sont toujours prêts à vous tirer des flèches dans le dos. Au bout de cette marche, qu'est-ce qu'on se découvre? On découvre que les agnotos, les féroces agnotos, n'ont en fait été reconstitués en tant que groupe de truands que par un blanc. Mais ce blanc, c'est évidemment pas un Belge, encore une fois, c'est un certain Moriano. Alors Moriano, c'est un métis, évidemment. Hein? Première disqualification. Deuxièmement, il est d'origine portugaise. Alors, pour tous les gens qui étaient un peu en Afrique, le portugais, le factorien portugais, c'est pas aussi bien, hein, quand même. C'est à peine mieux qu'un grec. Troisièmement, ce Moriano, évidemment, a des cousins en Afrique du Sud qui s'appellent Lewenstein. Hein, suivez mon regard. Alors, ce factorien, Moriano, dépité de son relatif insuccès par des procédés honnêtes au Congo, a simplement découvert un gisement d'or. Il a incité les Noirs à reconstituer leur secte, et pour éviter que l'administration et les prospecteurs viennent encore dans la région, il a donc déclenché une espèce de terreur grâce à ses auxiliaires africains, qui y trouvaient leur intérêt puisqu'on partageait les bénéfices. Bien, c'est ce que Gray découvre, mais encore une fois, on a le même schéma. Hein, les agnotos, au fond, c'est quoi? C'est une secte dont l'initiative n'est même pas africaine. Comment les Noirs peuvent-ils se révolter et s'organiser? C'est même pas eux, ils sont même pas capables de se poser en adversaire de notre entreprise. Il faut que ce soit un autre blanc qui les agite contre nous. Un autre blanc, bien sûr, d'origine étrangère, lié à des intérêts étrangers et le personnage en question a placé déjà son argent dans différents pays que je ne citerai pas, mais qui sont fort semblables à ceux que j'ai déjà cités. Voilà deux grands textes qui présentent Agnotto dans une perspective coloniale. Le reportage, c'est démasquer la vérité, la contrôler, se l'approprier. Vision en un sens très progressiste, puisqu'elle suppose que, une fois que la cagoule est enlevée, on peut se parler. Tant que la cagoule est mise, on a de la violence. Une fois que la cagoule est enlevée, on peut se parler, on a un langage commun et on peut s'entendre, même si cette entente est à base d'un rapport aussi paternaliste et suspect que l'image de Tintin que je vous lisais tout à l'heure. Je prends un autre témoignage, ce sera le deuxième type d'occurrence de l'agnotto. C'est le témoignage de Pamba de José David. Dans cette perspective, j'utiliserai le concept d'exotique cette fois et non plus le concept de colonial. Ce roman est un mauvais roman aussi, plus mauvais que celui d'André Villers, qui au moins est bien construit. Peu importe, ce n'est pas ça qui est en jeu. Un roman paru pendant la guerre, 1943, aux éditions Libris. J'ai voulu enquêter un tout petit peu pour en savoir plus sur ce David, qui est un pseudonyme visiblement, mais enfin, je n'ai pas encore eu de résultat. Ce roman raconte quoi finalement? C'est visiblement le récit d'un tout jeune administrateur territorial qui a été en Afrique et qui, après un premier terme, en est revenu dégoûté et le raconte dans 300 pages où se mêlent évidemment les aventures habituelles. Pendant la première partie du livre, on rencontre les agnotos et c'est pour cela que le témoignage m'intéresse. Le livre est exotique. Je vous cite le début du livre, vous allez comprendre immédiatement ce que j'entends par exotique. Donc le personnage est sur le fleuve Congo, bien entendu. Dès l'estuaire, alors que le fleuve ne se distingue de l'océan que par la couleur de ses eaux, je commençais de voler d'étonnement en étonnement. Curieux, de curiosité en curiosité, d'étrangeté en étrangeté. L'eau rouge que tranchait la proue du navire semblait lutter déjà contre mon intrusion. Les rives se rapprochaient et bientôt apparurent les berges emplumées d'arbres gigantesques dont le rideau impénétrable excitait mon imagination. De plus en plus dense, la végétation arrachait sa substance au limon du fleuve, poussant fort avant dans le courant ses racines voraces. J'ai suivi ces rives infinies et les occasions d'y aborder ne manquèrent pas. À bord de caboteurs poussifs éternellement à l'affût de quelques stères de bois ou de pirogues limaciennes, tenues en échec par la force de l'eau, j'ai pénétré au cœur de la forêt. Tel un immense parapluie, la cime déployée de ses arbres isole du ciel un sol délicat, les rivières charrient des eaux ténébreuses, sucées d'une terra incognita que des peuplades redoutables occupent dangereusement. On dit toujours la description, ça ne signifie rien dans les romans mineurs, mais vous voyez qu'ici, on est dans une certaine perspective. Et curieusement, si vous regardez Tintin, moi je me suis fait la réflexion après, mais le décor exotique de forêt impénétrable est quasiment absent. Hein, les espaces, c'est pas seulement la ligne claire, hein, mais l'espace qui se dégage est un espace qui est ouvert, chez Tintin. Hein, le regard peut s'avancer, ce sont les savanes, ce sont les prairies, on peut dominer les choses. Ici, pas du tout. Donc, regard exotique. Bon, les agnotos ici sont encore plus fantasmés que dans les textes précédents. L'auteur accumule sur l'agnoto des traits qui n'ont aucune valeur historique. Ce sont des cannibales. Il y a la danse, hein, les danses hystériques au clair de lune avec les images de Saba qu'on peut deviner. Ils font les sacrifices humains, bien entendu. Cette surcharge, évidemment, a pour fonction d'augmenter l'écart entre le narrateur et l'Africain. L'administrateur territorial qui accompagne le narrateur, c'est un colonial type, et il est évidemment mis en échec dans toutes ses missions. Missions de connaissance des agnotos, il veut les connaître, mais il n'y comprend rien. Mission de domination ou de contrôle des agnotos, il veut reprendre en main la situation. Apparemment, il y parvient, il pend des gens, mais ça ne sert à rien, puisque, en définitive, les deux blancs du poste sont exclus, chassés par des noirs invisibles qui, la nuit, cernent les deux hommes. Donc, expulsion du regard blanc. Dans ce cas, l'agnoto est une figure exotique, dans ce sens qu'il représente tout ce qu'on ne peut pas savoir de l'autre africain, sa nature proprement incompréhensible, l'excès de sa différence. Donc, conclusion idéologique du roman, on n'a rien à foutre là-bas, ou plutôt, on s'en va, au mieux ça vaut. Ça ressemble, évidemment, pour ceux qui ont des références littéraires un peu plus élevées au sujet de l'Afrique, à ce que, par exemple, Conrad se présente. Hein. Il y a ce même thème. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des allusions littéraires avec « Au cœur des ténèbres » dans le texte même que je viens de lire, mais enfin, c'est une autre question. Ce type de regard, au fond, c'est le regard qu'on a posé sur le Congo, déjà dans les années 1880-1890. Qu'est-ce qu'on a à faire là-bas, chez ces tribus excessivement sauvages? Perspective exotique. Au contraire, l'entreprise coloniale veut croire qu'un certain langage est possible. Ça suppose qu'on puisse démasquer, enlever la cagoule de l'agnoto. Pour faire bref, je présenterai une troisième occurrence de l'agnoto chez Olivier de Bouvaigne. Elle est assez différente des deux premières, mais il me semble qu'elle relève, elle aussi, d'un regard colonial, et non pas exotique. De Bouvaigne est ce que j'appellerais, dans le contexte de l'époque, un auteur relativement progressiste, puisqu'il passe son temps à rassembler, dit-il, pour l'avenir du peuple africain lui-même, les éléments de sa culture orale qu'il met par écrit et qu'il publie par volume, à peu près un chaque année. Il y en a toute une série. Dans le premier de ces volumes, qui s'appelle « Contes d'Afrique », paru en 1927, il y a un texte curieux qui s'appelle « La jalousie de l'agnoto ». Je ne vous le lis pas en entier, je vous signale simplement qu'il semble constitué de deux morceaux narratifs, étrangers l'un à l'autre, mais que de Bouvaigne recolle pour les besoins de la cause. Premier morceau narratif, c'est un chant, chant agricole. Comme toujours, de Bouvaigne va enregistrer, enfin, il va prendre note des chants en langue vernaculaire et il rapporte, en traduction française, dans des vers qui sont censés reprendre le rythme africain, il rapporte ce morceau de la culture africaine. Les hommes sont au chant et, ensemble, ils entament une mélopée traditionnelle. C'est déjà assez curieux, parce que les hommes au chant, dans un village, c'est pas tellement courant, hein? C'est plutôt le travail des femmes. Ça nous laisse penser que, ici, il y a déjà un premier changement de la Bouvaigne, le chant est un chant des femmes, mais que, pour les raisons de son récit, il a mis dans la bouche des hommes. Pourquoi ? Parce que la deuxième partie de son récit va parler de l'agnoteau. En 1927, les procès touchant l'agnotisme et le Mambela viennent de se dérouler. Et visiblement, il tient à en parler. Comment en parle-t-il ? Eh bien, à ce chant agricole, il va rattacher une petite scène curieuse. Dans cette scène, on voit un bon noir et un mauvais noir, bien entendu. Le bon noir travaille au champ. Et courageux, il transpire sous le soleil, c'est difficile de continuer à travailler en Afrique, mais quand même il faut y tenir parce que toute la prospérité du pays en dépend. Arrive sur le chemin une jolie africaine et se noue alors une première rencontre entre l'honnête homme, l'honnête paysan africain et la jolie femme africaine. Début de fiançailles, début d'intrigue, il se donne rendez-vous pour le soir. C'est pas simplement rendez-vous pour le soir, c'est tout un avenir, on aura des enfants, on va construire des choses. Sur le chemin, un peu plus loin, s'amène le mauvais noir. Quel est le mauvais noir? Celui qui ne travaille pas, c'est-à-dire celui qui est paresseux, qui ne comprend pas les intérêts coloniaux du travail forcé, hein, parce qu'il y avait cette question-là en suspens à propos des cultures de coton principalement dans ces années-là. Le mauvais noir ne fait rien, il se dérobe non seulement au projet colonial, mais à la solidarité du clan. Il est paresseux, et ça ne l'empêche pas de trouver que la jolie africaine est jolie. Donc il lui dit, allons ma belle, viens avec moi. Mais la belle dit, mais non, je viens de dire ça à un copain qui lui travaille. Jalousie, thème de la jalousie, hein, donc on avait vu chez André Villers, dans Kitawala aussi ce thème, de la jalousie, la rancœur. Jalousie du mauvais noir qui se voit privé d'un privilège, celui de la femme, c'est-à-dire le privilège de l'avenir des enfants. Et il ne fait ni une ni deux, il tue la jeune femme qu'il laisse exsangue au bord du chemin. La morale de l'histoire est très nette. Chez de Bouvaigne, on ne s'embarrasse pas du détail exotique. L'agneteau est présenté pour un agneteau, mais il n'a pas besoin ni de griffes, ni de cagoules, ni de ce petit pot de terre qui servait à imiter le bruit du félin. Donc tous les détails exotiques, différents, étranges sont balayés. Il n'a pas besoin de réflexion sur le politique ni sur le religieux. C'est beaucoup plus simple. C'est un récit amoureux. Qui aura l'avenir de l'Afrique, le bon noir ou le mauvais noir? En l'occurrence, le bon noir a tué la femme africaine. D'où le danger de l'agnoteau et de ce qu'il représente, c'est-à-dire, au fond, les forces obscures de l'Afrique, les forces obscurantistes, surtout, les forces opposées au regard colonial. Voilà, me semble-t-il, trois façons différentes, dont, me semble-t-il, la première et la dernière se rejoignent, d'aborder le problème de l'agnoteau. Mais, encore une fois, l'agnoteau, qu'est-ce que c'est? L'homme léopard, c'est la figure de l'autre. C'est la figure de ce qu'on ne comprend pas. C'est le condensé, soit de l'exotique insurmontable, incompréhensible, dont on n'aura pas raison et avec lequel on n'a pas pris langue, soit c'est l'obstacle pour le colonial, obstacle qui est simplement à dominer, à contrôler, à raisonner. C'est la figure du reporter qui peut avoir raison des choses, dégager la vérité. En guise de conclusion, je voudrais évoquer notre roman, pour les citer simplement, parce que M. Gretzon m'y a invité. Il existe sur le thème de la rébellion, C'est vraiment un thème capital. D'autres romans, je pense à Mani, par exemple, de René Tonnoir, par ailleurs auteur d'un roman d'espionnage, s'appelle La Taverne des Mers. Dans ce roman, Mani, on a la même version des faits, en fait, que chez de Bertry et chez Villers. En fait, la secte maniste est ressuscitée par un blanc. Mais cette fois, dans une toute autre optique. C'est aussi le blanc qui est à la tête, mais c'est un colonialiste qui se sent abandonné par la métropole. Et qui va essayer de... Et c'est un patriote, lui. Donc c'est pas du tout Holstein, le Munstein, et tout ça. Non, non, c'est un patriote. Héros de la guerre 14, héros de la guerre 40, tout ce qu'on veut, décoré. C'est un patriote qui s'allie les forces noires et communique avec elles pour lutter contre ce qui s'oppose à sa présence en Afrique. Qui n'est pas l'Africain, qui n'est pas les États-Unis, qui est l'administration, qui est précisément l'exode, les pèlerins de la saison sèche qui n'y comprennent rien. Donc il existe dans ce roman quelque sorte le rêve d'une fondation proprement africaine des Belges sur place. Et basta pour la colonie. Anti-Belge, mais avec comme destinataire un Belge. Assez curieuse version. Pour en terminer avec le regard exotique et terminer par là, je terminerai sur cette piste de réflexion que dans ce qui se publie aujourd'hui, de manière autorisée, je veux dire chez les grands éditeurs, pas dans les comptes d'auteurs et les cercles d'anciens coloniaux, mais dans ce qui se publie aujourd'hui à propos de l'Afrique, c'est très nettement le regard exotique qui domine. Ce regard qui, au fond, est un regard désespéré, qui croit que l'autre est seulement de la différence, qui croit qu'on n'a plus rien à se dire, que tout langage est impossible. J'ai cité la bande dessinée Congo 40 en liminaire, je citerai plutôt le roman d'Anna Jeramis qui s'appelle Le reste du monde, roman qui nous présente une Afrique, en l'occurrence burundaise, incompréhensible, où les rêves coloniaux se sont effondrés, où il n'y a plus d'entente, où il n'y a plus de progrès possible, où il n'y a plus de langage commun entre eux et nous. Ça me semble être le point d'aboutissement de la littérature à propos de l'Afrique. Et l'image du noir qui en ressort, finalement, n'est pas très différente de celle du 19e siècle. C'est l'autre absolu, avec lequel il n'y a pas d'avenir possible. Aboutissement que laissait prévoir de Bertry dans son histoire, pardon, de Bouvines dans son histoire d'Agnotto. Un certain type de noir a tué un autre type de noir. Le noir exotique a tué le noir colonial, celui avec lequel nous n'avions pas d'atome crochu, avec lequel nous n'avions pas de langage, a tué l'autre avec lequel nous nous entendions et avec lequel un certain travail était possible. Voilà, je terminerai là et peut-être que je répondrai à d'autres questions.